En escortant leur famille à l'exposition, M. Dumanet et M. Matou de la Mayonnaise avaient constaté que les attractions qui agissaient le plus effectivement sur eux étaient précisément celles qui inspiraient à leurs femmes une aversion singulière. La parade des auteurs gays, par exemple, où les maris eussent volontiers posé pendant des heures, déplaisait particulièrement à ces dames. Elles passaient devant, qui les yeux modestement baissés, qui en tournant avec affectation la tête vers le palais de la danse, où cependant nulle parade ne les pouvait attirer. La bonne Madame Matou n'y entendait guère malice, mais elle fuyait d'instinct les nudités et le bruit. Jamais la pensée ne lui était venue de faire de cette attitude une manifestation. Quant à Madame Dumanet, elle éprouvait pour les créatures de la parade un dégoût affecté qui n'était en réalité que de la jalousie, une jalousie mauvaise et basse. Elle était de ces femmes qui ne voient dans les autres femmes que des concurrentes et dont la colère ne connaît plus de bornes lorsque la concurrence est ostensible et avouée. Dans toute femme galante ou apte à l'être, Madame Dumanet flairait une rivale possible. Elle lui en voulait de mener paisiblement la vie pour laquelle elle se sentait si bien faite. Jamais son mari ne luttait contre ce qu'il appelait, quand elle n'était pas là, la cocotophobie de sa femme, aussi passait-il résigné devant la parade des auteurs gays. Mais Sylvie, qui ne comprenait pas les griefs de sa mère contre ces jolies petites bonnes femmes poudrées et drôles, voulait absolument s'arrêter pour écouter leur boniment. La veille, en dînant, Madame Dumanet avait déclaré que c'était fini et que, quant à elle, elle ne remettrait pas le pied dans la rue de Paris. Madame Matou avait, comme toujours, approuvé ses paroles, et ce matin, M. Matou et M. Dumanet s'étaient fait, sans se le communiquer, le même raisonnement. « Puisque la famille ne retournera jamais plus dans les rues de Paris, je peux aller tout mon sourd regarder les petites femmes des auteurs gays. » D'où la double maladie qui les avait tenus tous les deux couchés ce jour-là. Pas un instant, M. Dumanet n'avait eu la pensée de faire profiter M. Matou de sa bonne inspiration. Il ignorait que sa maladie fut, comme la sienne, le résultat d'un calcul. Après avoir vu sortir de l'hôtel sa femme, Madame Matou, l'oncle Arthur et les enfants, il s'en fut déjeuner au bois de Boulogne. Il avait des goûts champêtres et se disait souvent qu'il était né pour être berger. Comme il entrait au bois par la porte Dauphine en descendant du train et qu'il s'épongeait ruisselant et soufflant sous le soleil de midi, une petite bicycliste qui passait à côté de lui, svelte et mignonne, filant sur Paris, lui cria en riant « Ça tape dur, hein, mon vieux lapin ?» Peu fait aux usages de Paris, M. Dumanet salua. Alors la petite bicycliste, qui l'avait déjà dépassée, revint sur ses pas, pensant qu'elle avait mis la main sur un trésor. Gentiment, elle s'excusa de sa familiarité et demanda, pour finir, « Comme ça, vous ne m'en voulez pas ?»« Au contraire, mademoiselle, au contraire !» balbutia M. Dumanet, charmé. « Vous avez déjeuné ?»« Non, mademoiselle, pas encore. »« Alors, si on déjeunait tous les deux ?» « Je n'osais pas vous en prier, mademoiselle. »« Parce que... »« Mais parce que je ne savais pas si vous étiez libre. »« Libre tout à fait, non, pas pour l'instant. »« Mais libre ce matin, oui, mon type est en chasse. »« S'il vous plaît. »« Je dis, mon type est occupé. »« Où c'est-il qu'on déjeune ?»« Où c'est... où vous voudrez, mademoiselle. »« Je suis étranger et je... »« Étranger, tu veux dire provincial. »« Mon Dieu, mademoiselle... » T'en cache pas, bah, y a pas de honte. Et puis d'ailleurs, tu le voudrais que tu le pourrais pas, mon pauvre vieux, ça crève l'œil. Si c'est ce qu'on irait à Armenonville. À Armenonville, balbutia M. Dumanet, vaguement renseigné. N'est-ce point là qu'il y a des anarchistes? La petite bicycliste se mit à rire. Pas toujours qu'il y en a. Justement, tiens, mon type y était avec les camaros à Armenonville le jour du Grand Prix. Et comme M. Dumanet la regardait effarée, elle conclut, respectueusement importante, « C'est un ami à M. Sébastien Faure. » Puis, changeant d'idée, elle demanda, « Sais-tu, nous ferions bien mieux d'aller déjeuner à l'exposition. Faut que j'y sois à 3 heures pour mon travail. Alors je serai toute portée. »« Votre travail ?» fit M. Dumanet curieux. « Quel est-il, votre travail ?»« Je fais la parade. Oh, c'est pas grand-chose, mais faut encore que j'y sois à l'heure. » Elle remonta sur sa bicyclette et dit « Allons, je vais te conduire à un très chic restaurant, tu vas voir. »« Oui, » fit M. Dumanet, « je vous suivrai très volontiers, seulement vous, vous avez votre bicyclette, tandis que moi. Toi, tu vas prendre un sapin. Hé, là-bas, la boîte au lait, viendra pas la rosse. » Le cocher de l'urbaine, ainsi interpellé, s'approcha, mais à l'instant où M. Dumanet posait un pied confiant sur le marchepied de son fiacre, il avança brusquement en disant « Hé, pas de ça, pour où est-ce ?»« Vous dites ?» fit M. Dumanet qui avait roulé dans la poussière et se relevait en s'époustant. La petite femme expliqua « À l'exposition, allons, marche !»« C'est 10 francs. »« C'est ce que tu voudras, on est généreux, n'est-ce pas, vieux lapin ?» Elle sauta dans le fiacre, hissa sa bicyclette à côté d'elle, et lorsque M. Dumanet essaya de s'insinuer entre les roues, lui dit d'une voix flûtée « Tu vas fausser mon guidon. Est-ce que tu ne crois pas que si tu montais sur le siège, tu serais mieux, mon chéri ?»« Sur le siège ?» fit M. Dumanet, sans enthousiasme. « C'est que je suis un peu gros. Mais non, t'es très bien comme t'es. »« Merci, » balbutia le pauvre homme, touché de ce compliment relatif. Il grimpa difficilement sur le siège où il s'assit, débordant, un peu sur la barre à laquelle il se cramponnait de toutes ses forces, un peu sur le cocher qui grognait. De la voiture, la petite femme cria « Dis-lui où ?» Il demanda, se contournant pour parler « Dire quoi ?»« Ben, où c'est qu'on va déjeuner ?»« Où voulez-vous aller ?»« Allons au Chinois. »« Au Chinois ?» dit M. Dumanet, sans entrain. « Quelle drôle d'idée dans ce moment !»« Ça te dit pas ?» C'est qu'il y a des très chics jongleurs, il paraît. Il expliqua. Oh mon Dieu, au fond, je ne vois aucun inconvénient à aller au restaurant chinois, si vous le désirez. Je disais ça à première vue. À la porte du Trocadéro, M. Dumanet régla le fiacre avec une générosité toute provinciale. 3 sous de pourboire donnés sans grâce et reçut tout. Le cocher s'offrit comme supplément un attrapage en règle. « A-t-on vu cette vieille tourte qui monte dans ma voiture avec son ambulante et un vélo par-dessus le marché et qui se colle sous mon aile encore ? Prends-en garde, t'as le gousset percé. » Et il termina en hurlant « Veux-tu que je te prête 2 ronds ?»« Allons, donne-lui un pourboire, t'es embêtant, » fit la petite bonne femme agacée. « Tout le monde se paie notre fiole. » À présent que cet homme nous a agonis de sottises, je ne vois pas quel intérêt. »« Quel intérêt ? Ben, pour être rat, voyons, quel intérêt ?» Et regardant le pauvre homme, qui fouillait obstinément son gousset sans en rien sortir, elle conclut « Comment ? Tes mufles à ce point-là » Au restaurant chinois, M. Dumanet, consterné, vit que sa nouvelle conquête commandait sans mesure des plats compliqués, des vins et toutes choses qui le rendaient songeur. Sa femme savait toujours combien il avait d'argent dans son porte-monnaie. Bien que la fortune fût à lui surtout, M. Dumanet n'avait d'argent de poche que ce que lui en mesurait très parcimonieusement la belle Joséphine. À Pont-sur-Orne, les sommes dérisoires attribuées à M. Dumanet pour son usage personnel suffisaient parfaitement à subvenir aux menus plaisirs du cru. Mais à Paris, les 5 louis que sa femme lui remettait chaque matin pour payer la dépense commune de la journée ne lui permettaient pas de prélever l'imprévu, représenté hier par Ondine de Panama et aujourd'hui par la petite bicycliste. Déjà, pour offrir à Ondine ce qu'il jugeait sa valeur, il avait dû puiser dans la réserve dont Joséphine avait la garde. C'était lui-même qui, ne prévoyant pas l'avenir, avait eu cette idée, qu'il jugeait aujourd'hui absurde, de cacher dans des robes de sa femme les billets emportés pour payer le voyage et le trousseau de Sylvie. Et la peur intense qu'il avait de Joséphine lui faisait redoubler l'inévitable moment des explications. Lorsque, après le déjeuner, il demanda timidement à la petite femme « Où allons-nous » Elle répondit étonnée « Moi, je vais à ma boîte à 3 heures. » Et comme M. Dumanet se mettait en devoir de lui expliquer qu'il avait, en l'amenant au Chinois, espéré quelques instants au moins de tête-à-tête, elle s'écria « Je croyais que t'étais marié. » Il répondit avec désinvolture « Et puis après, t'es aussi un ami que tu m'as dit, que t'es avec lui à Paris. Oui. Et il est marié aussi, ce type-là. Mais oui, pourquoi? Pour savoir s'il en fait autant à sa femme que t'en fais à la tienne. Parfaitement. Ben alors, vous ne vous gênez pas pour balancer vos dames. Monsieur Dumanet se redressa. C'est vrai, fit-il orgueilleux de sentir qu'il secoue le joug si lourd parfois. C'est vrai, nous balançons nos dames. Et il se mit à battre la mesure avec son couteau. À ce moment, il vit rougir la petite bonne femme. Elle se leva d'un bond, sauta sur sa bicyclette et disparut en criant « Mon type, v'là mon type !» et comme M. Dumanet se levait aussi, il la vit disparaître tandis qu'il se trouvait nez à nez avec un grand gars ignoble et superbe, bien découplé, bâti en Hercule, qui demandait d'une voix éraillée en se penchant vers lui avec un singulier sourire « De quoi ?» M. Dumanet avait canné devant le type de la petite femme. Outre que son courage avait des bornes, il éprouvait du tapage et du scandale une crainte toute provinciale. L'idée d'attirer sur lui l'attention lui causait une douloureuse angoisse. Il ne répondit rien au type et demanda au garçon l'addition. Mais au moment de payer cette somme de 39 francs, il eut une vague envie de pleurer. Avec le fiacre, ça faisait déjà plus de 2 louis. Comment expliquerait-il à Joséphine cette dépense de 42 francs sans être sorti de sa chambre? Enfin, il allait, tout en marchant, chercher une histoire à conter qui fût la plus vraisemblable possible. Il tourna un instant dans le Trocadéro. Une envie folle de voir le panorama de Castellani le tenaillait. On lui avait dit que c'était un panorama superbe et puis ça représentait la mission marchand. Et la bêtise de M. Dumanet n'était pas assez grande pour l'empêcher d'entrevoir un petit coin de la grandeur et de la beauté de l'action de marchand. Seulement la pensée d'ajouter encore une dépense, si petite fût-elle, à la dépense déjà faite, le remplissait d'effroi. Il mourait de chaud, et l'idée lui vint de traverser la grotte derrière la chute d'eau afin de recevoir la pluie qui venait des brisures. Et arrivé à cette place sombre, d'une fraîcheur de cave, où l'on pataugeait dans la boue, il s'immobilisa, trouvant délicieuses ces vapeurs d'eau qui l'enveloppaient. Et même, cela ne lui suffisant pas, il ôta son chapeau et avança la tête sous la chute, rafraîchissant sous cette pulvérisation son visage où le bourgogne du déjeuner avait allumé des feux fulgurants. C'est qu'il en avait bu beaucoup de ce bourgogne. Furieux de payer une somme qui lui semblait colossale, appréhendant l'explication qu'il entrevoyait au bout, il avait vidé jusqu'à la dernière goutte cette bouteille qui lui coûtait tant d'argent. Des bouffées chaudes lui montaient brusquement au visage et il se sentait la tête lourde et les jambes en coton. Il éprouvait à se retirer de ce jet bienfaisant une réelle difficulté, tandis que d'un violent effort il se rejetait en arrière. Une voix cria tout près de lui « Te v'là, vieux chien, comment on se retrouve, hein ?» À côté de lui, ses jupes ramassées dans sa main pour éviter la boue, campées sur ses jambes fines un peu écartées et ses petits pieds chaussés de souliers blancs, Ondine de Panama regardait en riant. Près d'elle, sa mère retroussée jusqu'au ventre exhibait deux extraordinaires poteaux sur lesquels des bareillets de lignes multicolores se tordaient en vis. Ondine continuait. « Ça fait plaisir de se revoir, n'est-ce pas, vieille amie ?» Elle gardait de M. Dumanet un excellent souvenir. Le vieux, comme elle l'appelait, s'était montré très généreux. Il avait offert à la petite cocotte infiniment plus qu'elle n'était habituée à recevoir. Ses économies de beaucoup d'années représentaient un nombre infini de petites sommes dérobées journellement malgré la surveillance de sa femme. Et d'un seul coup, il avait galvaudé, c'était vraiment le cas de le dire, son petit trésor, ce qu'il appelait à part lui son trésor de guerre. Ondine expliqua. « Je croyais que tu reviendrais me voir. Pis, t'es pas revenu, pourquoi, dis ?» Puis, sans lui laisser le temps de répondre, elle demanda. « On va se promener tous les deux, c'est pas ? Voir des choses ? Nous allions à la pagode, tu vas nous y mener ?»« Volontiers, » balbutia M. Dumanet. « Volontiers ?» Et il pensa. « Est-ce qu'on paye, mon Dieu, à la pagode ?» Ils montèrent la pente qui conduit à l'exposition du Cambodge. Madame de Panama peinait et suait à grosses gouttes. Ondine s'arrêta. « Donne donc le bras, maman, veux-tu? Elle n'en peut plus, la pauvre grosse. » Il s'avança sans entrain et arrondit son bras, sous lequel l'énorme femme passa son petit bras court et gras qui ressemblait à un saucisson de lion. Et alors elle se fit traîner de tout son poids en disant, l'œil dilaté et la voix reconnaissante, « Ah, ça repose tout de même !» En arrivant à l'escalier si raide de la pagode, Madame de Panama mère demanda « Est-il bien nécessaire d'aller là-haut ?» Et M. Dumanet insista « Oui, au fait, est-ce bien nécessaire ?»« Comment ?» cria la petite cocotte qui était déjà presque en haut. « Comment ?»« Mais c'est ce qu'il y a de plus beau !» L'ascension commença. Les tirailleurs tonkinois placés en faction sur les marches regardaient de leurs petits yeux luisants et malins ce grand couple qui passait devant eux. Et ils riaient de leur rire d'animal silencieux. Madame de Panama perçut ce rire et s'en formalisa. « A-t-on vu ? » fit-elle furieuse. « Ces singes qui se permettent de nous insulter ?» et se tournant agressive vers un tonkinois qui continuait à la regarder de son même air futé et doux, elle cria « Quand on est aussi laid, on devrait se cacher, et ça se permet de rire des blancs !» L'homme redressa sa petite tête fine sous le grand feutre noir à cocarde tricolore, et le menton levé, il dit d'une voix rauque et gouailleuse, en regardant de l'arrêt encore aminci de ses yeux la peau rouge brique de la mer Panama, « Pas blanc, toi pas !»« Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Ondine arrêtée sur une marche au-dessus d'eux. « Black, tu te fais engueuler par les tonkinois, Astor !» Et comme sa mère voulait protester, elle la fit taire. « Tu peux même pas les laisser tranquilles, faut que tu les embêtes aussi, ceux-là !» On riait autour d'eux. Monsieur Dumanet, vexé, voulut entraîner la grosse femme qui se faisait de plus en plus lourde dans l'intérieur de la pagode qui, à deux pas, scintillait de tous ses ors au soleil. Mais à l'instant d'en franchir le seuil, il poussa une sorte de grognement sourd, secoua brusquement Madame de Panama qui s'accrochait de toutes ses forces à son bras, et ayant réussi à lui faire lâcher prise, se mit à descendre l'escalier malgré l'effort des tonkinois qui croisaient vainement la baïonnette. À quelques pas, contemplant la bête ailée qui sert de char, il venait d'entrevoir Madame Matou, Paul et Sylvie. Tandis qu'Ondine et sa mère, ahuries, le regardaient s'enfuir éperdument, M. Dumanet buta dans une dame qui montait l'escalier et qui, regardant derrière elle, ne l'avait pas vu débouler. Arrêté dans son essor, M. Dumanet perdit l'équilibre. Il oscilla un instant, puis, se sentant tomber, se raccrocha instinctivement à quelque chose qui se trouva sous sa main, et ce quelque chose, c'était la dame. Enlevée au premier choc, elle suivit le mouvement et tous deux commencèrent à dévaler. Ce fut une chute infiniment ridicule sous l'œil malin des tirailleurs tonkinois. Ils regardaient, surpris, le monsieur qui venait de hisser une grosse dame, dégringoler avec une grosse dame qui n'était pas celle-là. Et M. Dumanet et sa compagne dégringolaient toujours. Enfin, ils s'affalèrent au pied de l'escalier, sur le sable où ils restèrent un instant plaqués sans remuer. M. Dumanet, qui était tombé, croyait-il, le nez dans un flacon de lilas blanc, s'arracha de cette agréable position et se releva d'abord sur les genoux. C'est alors qu'il aperçut la dame, qui elle aussi commençait à se frotter les yeux et à regarder autour d'elle. Et il resta bouche bée, très sot, presque plus abruti que durant la chute, en reconnaissant la duchesse de Corda Potentia. Ainsi, c'était à cette grande dame qu'il s'était accroché en se sentant tomber. Tant de hardiesse le surprenait, alors il balbutia. « Madame la duchesse, croyez bien que si je vous eusse reconnu... » À quoi, furieuse, la duchesse répondit. « C'est vous le monsieur de l'hôtel ? Ah bien, au lieu de venir ici vous amuser à faire tomber les passants, vous feriez mieux de garder votre rose de femme. »« Madame la duchesse ?» fit M. Dumanet d'un air offensé. « Madame Dumanet est digne de tous les respects. » La duchesse se mit à se tordre avec un abandon qui rappelait les façons de la butte plutôt que celles des cours étrangères où elle avait pu être élevée, et entre deux hoquets, elle disait « Digne de tous les respects Digne de tous les respects Non, il faut avoir entendu cela !»« Mais, » dit M. Dumanet, qui avait l'entêtement gaffeur, « qu'avez-vous à reprocher à ma femme à la fin ?» À lui reprocher, moi, personnellement, oh, peu de choses, évidemment, elle est en train de lever le vicomte de Naft, qui est mon amant, est-ce clair ?»« Madame la duchesse, » s'écria M. Dumanet rempli d'épouvante, « je vous en conjure, taisez-vous, on peut t'entendre. »« Eh bien, on entendra, voilà tout. » Elle regarda sa robe, pleine de poussière et de saleté de toutes sortes, puis la grosse figure placide de M. Dumanet, et souriant tout à coup, elle lui dit, « Vous allez me conduire à ma voiture. »« Volontiers, madame la duchesse. » Et me ramener à l'hôtel. Si vous le désirez, madame la duchesse. Et il entraîna madame de Corda Potentia. Il apercevait dans l'escalier Ondine de Panama suivie de sa mère qui le cherchait. Ils se perdirent dans les petits bouquets de la pagode et gagnèrent l'avenue du Trocadéro. La voiture de la duchesse était tout bonnement une des remises qui desservait l'hôtel. Elle y monta, poussée par M. Dumanet, et il allait refermer la portière lorsqu'elle lui dit « Eh bien, vous ne montez pas ?» Il monta, regrettant d'être sorti de l'exposition et de perdre son ticket. Au bout d'un instant, l'attitude de la duchesse lui fit regretter encore bien davantage d'être montée. Plus que provocante, elle mettait au supplice le pauvre M. Dumanet. Cette grosse femme peinturlurée lui faisait horreur. Mais elle ne le trouvait pas désagréable et cette idée lui était venue qu'il serait plaisant de prendre le mari de la drôlesse qui lui prenait, elle le croyait du moins, son vicomte. Devant l'attitude de M. Dumanet, qui semblait décidé à être irrévocablement respectueux, elle se dépita, s'offrit formellement et finalement s'irrita à ce point qu'elle fit arrêter et déposa le réfractaire dans la rue au beau milieu des voitures. M. Dumanet évita un omnibus pour se jeter dans une tapissière, puis dans un bicycliste, puis dans un fiacre dont le cocher l'injuria. Enfin, il gagna un trottoir et regarda où il était. À quelques mètres de lui s'étalait cet écriteau « Rue de Paris ». Avec effort, il sortit encore 6 sous de sa poche, navré de payer cette seconde entrée alors qu'il eût si bien pu ne pas sortir. Mais il se souvenait des perruches de la parade assises sur leur perchoir. Il les avait vues plusieurs fois lorsqu'il était en famille et s'était juré de les revoir seuls et à tête reposée s'il le pouvait. Il s'approcha. Dans la sombre allée, la parade navrante, avec des mots qui faisaient long feu et des femmes défraîchies sur lesquelles il semblait avoir plu, battait son plein. Il aperçut à leur poste les perruches et elles lui semblèrent plus jolies encore que lorsqu'il les avait vues en famille. Au pied du perchoir, les yeux dilatés, la bouche entrouverte, les oreilles en pavillon, craignant de perdre un mot ou un geste, il restait comme hébété. Un monsieur, à côté de lui, un peu en avant car il ne voyait que son dos, regardait comme lui les perruches et s'absorbait si uniquement dans leur contemplation qu'il lui recula sur les pieds. « Faites donc attention, imbécile !» le fit se retourner et M. Dumanet poussa un cri. C'était M. Matou de la mayonnaise. Le premier moment de stupeur passé, M. Matou, qui manquait totalement de franchise, dit d'un air contrit « C'est mal ce que nous faisons là. »« Pouah !» fit M. Dumanet. « Est-ce si mal que ça? Il nous faut bien nous aussi prendre un peu de bon temps. Ça ne durera pas. Hélas, nous devrions nous amuser carrément. » Et songeant à la petite bicycliste, il l'acheva. « Savez-vous quelle devrait, pour l'instant, être notre devise ?»« Non. »« Balancez vos dames. »« Ma foi, » répondit avec conviction le correct M. Matou, « ma foi, elle me va comme un gant, cette devise-là. »